Analyse numéro 10 du 2 avril 2021, Thierry Pirlo, Sherpa One. Evergreen, la suite. Mon ami et binôme complotiste d'Aveyron, très actif sur VK, me disait ceci à l'époque, mauve berger. Tu dis que le blocage du canal de Suez par Evergreen a possiblement été filmé il y a plusieurs mois. Cette info de blocage est quand même bien parvenue au bateau, prétendument en attente. Et aucune fuite, pour dire aucun blocage pour le moment, contrairement à ce qui est annoncé. Tous les équipages de tous ces bateaux seraient-ils contrôlés par l'Alliance pour la fermer et pour protéger l'info? Et pourquoi passer des images truquées d'un navire Evergreen s'il n'a jamais été ensablé? Ma réponse n'est bien sûr que supposition et conjecture, mais dans ce grand film, quoi de plus marrant que d'en imaginer la trame? D'autre part, ma vision de cette opération a évolué depuis ma première analyse du 30 mars. Alors oui, si c'est un film, pourquoi pas un différé servi à la planète entière? Plus c'est gros en fait, et plus ça passe. Ma réponse. Qui te dit qu'il y a vraiment eu blocage et que des bateaux ont dû patienter? Ou qui te dit, à part les médias, que ce blocage est dû à un navire Evergreen? Tout n'est que mensonge depuis plus d'un an. Les médias manipulent tout. Cela reste une hypothèse, bien sûr, mais peut-être que l'Alliance a réellement bloqué avec autre chose que le Ever Given. En effet, le porte-avions Nimitz, stationné en Méditerranée, était possiblement à l'embouchure nord, et ce, durant une semaine, pour des raisons stratégiques, ou alors, il s'agit bien de l'Evergreen, mais j'ai des doutes. L'Alliance militaire aurait stoppé ce navire par le passé, et aurait alors filmé le bateau échoué plus tôt, plusieurs mois ou plusieurs années, pour servir les images aux médias mainstream et faire croire à cet échouage à la planète et à ce moment précis du narratif. L'Alliance a peut-être bloqué le canal, non pas en plantant l'Ever Given, mais par un blocus maritime militaire. En parler aux infos serait reconnaître des opérations militaires US de l'Alliance en cours des deux côtés du détroit. Evergreen est peut-être du cinoche pour attirer notre attention sur ce qu'est vraiment Evergreen et rien de plus. Les équipages de bateaux diront qu'ils ont entendu à la radio qu'un bateau était coincé à Suez. C'est comme ces gens qui te disent qu'ils ont entendu des amis, qui connaissent un voisin, qui connaissent des gens qui sont morts du Covid-19. Tout le monde en a entendu parler. Mais personne n'en a eu dans la famille proche avec certitude. Donc, aucun de ces capitaines détournés n'ont vu de leurs yeux le Evergreen en travers, mais ils l'ont tous appris à la radio avant d'être détournés. Il est donc possible que le trafic vers Suez ait été dévié par le cap de Bonne-Espérance et qu'aucun bateau ne soit resté en stand-by, car le temps c'est de l'argent pour ces navires. Et donc, personne pour témoigner, hormis les personnels du canal, sous contrôle. Chaque commandant qui s'approchait de Suez et qui recevait l'info que le canal était bloqué n'avait d'autre choix que de croire l'info et de dévier de son itinéraire au plus vite, vu ce que coûte une journée de carburant. L'info est confirmée par la maison mère de la société, ordre de dévier est donné et l'affaire est jouée. Personne n'ira voir sur la place la réalité de la situation. Les gouvernements autour de Suez et les médias font le reste. Fais cela avec les 300 bateaux qui s'en approchent et ils ont tous la même histoire. Et les images à la télé les ont convaincus d'avoir bien fait de descendre vers l'Afrique du Sud. Plus c'est gros et plus ça passe. Alors pourquoi ? Je pense qu'il y a un réel rapport entre le porte-avions Nimitz, entré il y a une semaine dans la Méditerranée, et le gros de la flotte US stationnée en mer Rouge en contrebas du canal. Le Pacha, commandant du Nimitz, et peut-être avec l'Alliance. Et il a pour mission de stabiliser la situation en mer Noire en bloquant la remontée d'un autre porte-avions US dont le Pacha est, lui, inféodé au DS, avec la situation explosive de l'Ukraine et du Donbass contrôlée par le DS. Manœuvre de l'Alliance en coopération avec Poutine. Les forces américaines au sud du canal sont probablement du côté du DS. La Turquie d'Erdogan est aussi dans le game, mais il est difficile de connaître son rôle exact. En fait, je pense qu'Erdogan n'est pas du côté du DS, mais c'est plutôt un opportuniste et un électron libre, qui garde cependant toujours allégeance envers la Russie. Il est pro-US et OTAN, mais anti-européen. Il est aussi pro-russe et donc pro-Poutine et donc pro-alliance. Mais il a l'ambition de recréer l'Empire ottoman, quoi qu'il en coûte. Aussi a-t-il besoin de rester un pied dans chaque botte. L'alliance bloque donc le canal au nord avec Evergreen ou l'embouchure avec un croiseur US pour empêcher le reste de la flotte US composée d'amiraux et de commandants aux ordres du Deep State de passer le détroit et de venir mettre le bordel en mer Noire avec l'OTAN et entraînant devant Sébastopol. Les Russes n'ont pas l'air de réagir à l'arrivée du Nimitz en Méditerranée et c'est logique vu que ce bateau est du côté de l'Alliance. On peut tout imaginer, d'autant que l'OTAN cherche toujours un sous-marin russe diesel de la classe Kilo à capacité nucléaire balistique en mer Méditerranée. Et hier, la force aérienne belge a dû intervenir d'urgence pour dégager deux MiG russes qui s'approchaient un peu trop du Benelux. Il se passe des choses au niveau militaire, et je ne donnerai plus longtemps avant que l'Union européenne et l'OTAN ne disparaissent pour de bon, suite à un conflit ouvert avec la Russie via l'Ukraine. Concernant la réalité ou non de la cargaison de l'Evergreen, composée de milliers de gosses en containers de survie, d'armes climatiques, d'explosifs et d'armes technologiques, il est bien sûr toujours possible que les chapeaux blancs aient réellement bloqué un porte-container Evergreen, plein comme un œuf. Mais il s'agit peut-être aussi d'entretenir le narratif avec un bateau rempli de containers vides, car les trafics du DS sont, selon moi, bloqués depuis 2018. Seul le temps et la fin de l'histoire nous apporteront la vérité sur l'Evergreen planté à Suez. Pour le reste, cette histoire est fascinante si on veut bien en extraire la substance informationnelle qui nourrit notre ressenti et notre logique. Where we go one, we go all. Et surveillez les eaux. Sherpa One.